Page 70. Activité 2. Piste 59. Regardons les objets dans le sac à dos de Maï. Une gomme blanche. Une règle verte. Des livres jaunes. Et des cahiers blancs.